10. Thank you.

Occident. Occident pourtant déclinant. Occident dans lequel je suis. Camarades, nous sommes, nous resterons, frères humains, frères humains. Oui, nous sommes frères partout.